centre-ville de Québec. Visitez notre page Facebook La Quête Magazine de rue. Le gala et l'autre gala de la disque reviennent cette année pour récompenser les artistes et artisans du milieu du disque et du spectacle québécois. C'est Louis-José Houd qui animera le gala, alors que les Denis de Relais tiendront la barre de l'autre gala, qui remportera les prestigieux prix Félix. Pour le savoir, écoutez l'autre gala et le gala de la disque, deux rendez-vous les 22 et 26 octobre, en collaboration avec Musique Plus, Musimax et ici Radio-Canada Télé. Tous les détails sur adisque.com. Ce message est diffusé par CKRL 89. Bienvenue à l'émission Les bouquins d'abord. On est le 15 septembre, c'est déjà la deuxième émission de la deuxième saison. On est encore un peu dans le mode lecture. Il faut qu'on retombe un peu dans la rigueur de préparer des sujets. C'est surtout à moi que je parle. Les autres font leur job. Aujourd'hui, on a quand même un programme assez serré. Plusieurs ont lu Le Chardonneret de Donna Tartt. Ce livre que moi, j'ai pas lu parce que son dernier m'avait tellement déçu après son premier, qui était tellement un chef-d'œuvre. En tout cas, pour moi, à l'époque, quand je l'ai lu. On va parler d'une histoire de monde sans sortir de chez moi. On va parler de romans québécois, mais aussi d'Ian Rankin et de l'Écosse qui va voter pour ou contre son indépendance. Un peu de BD et ça fait un assez beau programme, je trouve. On va écouter un peu de musique le temps que Marie-Hélène Vaujoie nous rejoint et on va tout de suite commencer avec Le Chardonneret et Jacques Vaillancourt et Daniel Grenier. Nous sommes de retour à l'émission Les bouquins d'abord. Je suis Jacques Vaillancourt. Toi, tu as vraiment lu pour nous Le Chardonneret, mais Marie-Hélène Vaujoie et Daniel Grenier l'ont lu aussi. Il y a aussi Maryse Lapierre qui est avec nous. Salut tout le monde. Fait que moi, je donne la parole à Jacques et les autres, si vous êtes d'accord ou pas d'accord, vous mêlerez de ça. Les micros sont ouverts. Absolument. Ben, Berbel, j'ai pas lu pour l'émission. Je l'ai lu pour moi d'abord. Oui, on lit pour soi, mais j'étais très contente qu'il y a quelqu'un dans l'émission qui l'a lu parce que, comme je l'ai dit tantôt, je ne l'ai pas lu parce que j'avais tellement pas aimé Le Petit Copain. Le Petit Copain, oui, effectivement. En fait, c'est son troisième roman, Le Chardonneret. Le Petit Copain est en son deuxième. Elle écrit aux 10 ans. Donna Tartt, c'est vraiment, c'est quasiment systématique. 2002, je crois, 1992, 2002, 2013. Le Maître des Illusions, quand je l'ai lu la première fois, ça a été vraiment comme une révélation, un roman vraiment qui m'a frappé de plein fouet. On met en scène, j'ai une formation en philosophie, je suis très friand de philosophie, on met en scène un professeur qui choisissait ses élèves. Il y avait un meurtre là-dedans, initiatique. Il y avait tout le mythe de Dionysos qui était en arrière-plan et un développement assez astucieux, je dirais, là, de l'intrigue de la part de Donna Tartt. De sorte que quand Le Petit Copain est arrivé, j'avais hâte de lire. Moi aussi, franchement, Berbel, j'ai été déçu de Le Petit Copain. Je me demande même si je l'ai fini. Je ne suis même pas sûr. Et j'aurais bien de la difficulté à vous raconter l'histoire du Petit Copain comme tel. J'ai trouvé que c'était vraiment pas à la hauteur du mythe des illusions. J'ai quand même laissé la chance à l'auteur, on peut dire. T'es vraiment bon. J'ai entamé le Chardonneret. J'avais vu quand même des critiques assez positives sur le Chardonneret. Je vais me lancer dans cette lecture-là. Le sujet me semblait un peu ardu, là, une toile perdue qui traverse l'histoire, etc. J'ai dit, je vais prendre la chance. Et mon Dieu, c'est vraiment proche du Maître des Illusions. Là. Rien à voir avec Le Petit Copain comme qualité d'écriture, oui. Je dirais, même si je l'ai lu dans la traduction. La traduction est formidable. C'est rare, comme je signalais tout à l'heure, qu'on va lire un paragraphe, pas un paragraphe, mais une phrase qui va s'étaler sur une page et demie, puis on s'en rend même pas compte. Après coup, on en revient, puis on dit, mon Dieu, quelle construction, là, c'est vraiment... Et que ça tient la route en traduction. Et que ça tient la route en traduction. Ouais. Pour avoir lu des traductions de Thomas Mann, qui est capable de faire ça, c'est rare que ça tient la route dans une autre langue. Puis il y a toute l'intrigue aussi, qu'on suit l'histoire d'un... Ouais. En fait, c'est d'un jeune homme, pendant combien de temps? De 13 à 27 ans. Le héros, le protagoniste de l'histoire. Ça commence, je pense pas que je vende un punch là, mais ça commence dans un musée. Le jeune homme a eu des problèmes à l'école, il doit rencontrer le directeur avec sa mère. Ils ont du temps à perdre, ils vont faire un petit tour au Met. Ben, c'est pas dit explicitement, mais un grand musée à New York, on suppose. Près de Central Park. Près de Central Park, avec plein de dédales, plein de salles, un peu partout. Là, c'est, on reconnaît le maître. Et tout d'un coup, il y a une explosion. Puis, et là, la mère du jeune homme meurt. Le jeune homme se retrouve avec une toile dans les mains, qui est le sujet de l'œuvre, le Chardonneret. La toile comme telle, c'est très simple. J'en ai amené une illustration que je ne peux pas vous montrer, malheureusement. Ah, mais c'est tout simplement un oiseau. Le seul défaut de la radio. Un oiseau qui est Parce que Jean, c'est une toile qui existe réellement. Oui, la toile existe réellement. Et elle est assez proche d'être détruite dans l'atelier même du peintre en question, qui est Fabius, je crois. C'est un instant... Oui, c'est ça, Fabritius, pardon, qui avait peint le Chardonneret. On voit un oiseau, donc, qui est sur une boîte en bois, attaché avec une petite ficelle ou une cordelette, de sorte qu'il y a toute une métaphore là-dessus, ce qui nous retient pour nous empêcher de nous envoler de nos propres ailes. Là. Je vais passer un petit peu les clichés, mais ça traverse quand même l'œuvre. On voit que le protagoniste est... Il prend pas son envol, on voit qu'il y a plein de potentiel, mais il sombre dans l'alcool, la drogue avec son ami, un jeune ami là, qui rencontre lorsqu'il quitte les lieux où il habitait avec sa mère antérieurement. Puis il y a tout le passé aussi du jeune homme qui le retient de prendre son envol comme tel. Puis ce qui est intéressant, j'ai trouvé dans l'œuvre, qu'est-ce qui a initié cette œuvre-là. Donatar t'a dit qu'elle était vraiment bouleversée lorsqu'on a détruit les Bouddhas géants par les talibans. Puis elle disait, là, c'est du terrorisme contre l'art. Puis elle reprend un peu la même idée dans le Chardonneret. On voit une explosion dans un musée, la destruction d'œuvres d'art. Et il y a quand même quelque chose qui reste, là, qui est sauvegardé. Le moins qu'on puisse dire, en tout cas, de Donatar, c'est que c'est une écrivaine qui aime prendre son temps. Oui. Oui. Donc, elle a pris 10 ans pour écrire ça, et c'est un roman d'à peu près 800 pages. Donc, c'est une histoire aussi qui prend son temps de façon presque exagérée, à mon avis. Qui je suis d'accord avec toi, Daniel. Une histoire qui se savoure là, vraiment lentement, mais qui va dans le détail. Et en fait, moi, j'ai bien aimé cette histoire-là. La seule chose que je lui reproche, en fait, c'est peut-être un peu un truc d'arrière-scène, mais c'est que je reproche à Tartt d'être trop une grande écrivaine. C'est un peu un paradoxe, mais c'est-à-dire qu'on la sent être géniale et contrôler les fils de son histoire, de ses mécanismes de narration, de façon tellement... subtil et pas subtil à la fois, c'est-à-dire que moi je m'en rends compte sans arrêt. C'est-à-dire, par exemple, je te donne un exemple, Jacques, tu me dis si t'es d'accord, la scène du musée, comme tu disais, c'est pas un punch parce que hein, ça arrive dès le départ, mais encore une fois, elle prend son temps énormément pour la placer, cette scène-là. Ça prend 200 pages à peu près avant que l'attentat arrive, puis c'est-à-dire qu'il va décrire ce qu'il veut décrire, en fait, lui, ce narrateur-là, c'est la mort de sa mère. Donc, La mise en place est très très longue et tu te souviendras qu'il pleut cette journée-là. Oui, mais jamais ennuyant quand même. Non, pas du tout parce que c'est tellement brillant, c'est tellement profond, c'est tellement la profondeur psychologique de ce jeune homme. Réflexion aussi sur l'art. Moi, sur l'art. Ce que je te décris, c'est comme cette ambiance-là. C'est-à-dire que si tu prends par exemple un détail comme la pluie, pour moi. C'est un détail qui est important parce que tu te rends compte très rapidement qu'elle a besoin d'une journée pluvieuse pour que son intrigue fonctionne. C'est-à-dire... Mais c'est à l'intérieur d'un musée, ça aurait pu très bien fonctionner. Mais c'est-à-dire qu'à partir du moment où il sort du musée, le petit gars, avec la toile, la seule manière avec laquelle l'auteur peut se permettre qu'il ne soit pas repéré par les autorités, c'est qu'il soit lavé de tous ces gravats et de toute cette poussière par la pluie qui tombe, tu vois. Pour moi, c'est une sorte de mécanique qui est extrêmement apparente. Ça a l'air niaiseux, mais c'est super important de... c'est-à-dire que c'est comme si Donatarp, elle voulait tellement qu'il se ramasse avec le tableau qu'elle doit inventer certains détails qui, d'après moi, sont un peu forcés. Finalement, c'est ça mon idée. Puis il y a ça souvent dans cette œuvre-là où on se retrouve avec des situations où le petit gars a la toile. Il doit, par exemple, la faire passer aux douanes. Là, qu'est-ce qu'on va faire pour la faire passer aux douanes? Donc, des fois, on sent l'auteur qui s'est renseigné, par exemple. Oups, est-ce que je peux faire continuer mon histoire? C'est complexe. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois acheter comme détail pour... Je suis peut-être un peu Non, sais-tu de l'autre côté? C'est des détails qui manquaient au petit copain et ça me tombait des mains. Tu sais, c'est... Elle a peut-être vraiment besoin pour atteindre son génie à elle. Ça se pourrait. Oui, mais du coup, moi, en tout cas, j'ai trouvé... Ça m'a pris 4 mois, je pense, finir le Chardonneret. Ça a été pénible. Entre autres, la période Las Vegas, là. Oui, avec... Très, très longue. Mais vers là, quelqu'un m'a dit... Je l'ai jamais abandonné, mais je l'ai donc lu très lentement. Et quelqu'un m'a dit, tu vois, les 50 dernières pages sont fabuleuses. Et... On est OK, je vais me rendre aux 50 dernières pages. C'est la section que Jacques a décrit comme il tombe dans l'alcool et la drogue. la passe Las Vegas, oui, effectivement, c'est Comment dire, mais du petit gosse. Moi, le souci du détail, ça ne m'achale pas, là. Qu'on mette en place des éléments qui vont permettre d'arriver à une situation donnée, là. C'est le travail même de l'écrivain. C'est quand il en manque, là, un peu comme ce que Verbal disait, qu'on va avoir des problèmes. Mais je comprends l'idée, là, que moi, ça semble trop construit. Ben, c'est ça. C'est-à-dire que ce que je décris, c'est pas un souci. Il est novelliste. C'est pas un souci Daniel. Du détail que je décris. On s'entend. Ce que je décris, c'est l'idée que, moi, dans ma tête, d'écrivain, par exemple, pour que la situation soit tout à fait vraisemblable, il n'y aurait pas eu besoin d'un détail comme ça. C'est-à-dire que le vol du tableau doit s'auto-engendrer, tout ça, si tu veux que ça soit comme... Mais c'est un petit peu ça. C'est pas du tout une question d'ajouter des détails, d'avoir un souci du détail précis. C'est-à-dire que, pour moi, il faudrait, à la limite, si tu veux, pour que je sois parfaitement heureux, il faudrait que le tableau puisse se voler sur une journée de beau temps aussi. Oui. Mais là, je le sens comme un détail. C'est même pas improbable, même s'il faisait beau dans tout le chaos qui suit une explosion dans un musée. Il n'aurait pas passé inaperçu. Oui. C'est ça, en fait. Avec le tableau. Ouais. Donc, ça prenait de la pluie pour enlever les gravats. Ouais. Mais c'est une bonne idée, non? c'est une bonne idée de Deus. Finalement, on peut résumer. Jacques a beaucoup aimé ça. Ben toi, oui, Marie-Hélène, moyen. Et toi, Daniel? J'adore sur certains aspects. Tu sais, Donateur, comme tu dis, Le Maître des Illusions, pour moi, c'est un grand livre. Dieu, donc ouais, voilà, mais je sens trop... En fait, ça se résume à ça. Je sens trop la grande écrivaine, ce qui est un peu paradoxal, je dois avouer, Dans Le Maître des Illusions aussi, Daniel? Non, pas du tout, parce que là, je la trouvais très naïve, justement. Elle savait pas trop où elle s'en allait en tant qu'écrivaine. Là, peut-être qu'elle est tellement au sommet de son art. 20 ans plus tard. Ouais, on peut s'entendre, c'est une recommandation commune de mettre des illusions. Ça fait qu'on va l'ajouter. Vous pouvez passer par-dessus le petit copain. Et... Allez, essayez le chandelier. Je vous remercie. On vous revient avec Marie-Hélène et l'histoire du monde sans sortir de chez moi. De retour à l'émission Les bouquins d'abord sur les ondes de CKRL avec Barbe Rank et je suis avec Marie-Hélène Vaugeois. Oh. Salut! Salut! Une histoire du monde sans sortir de chez moi de Bill Bryson. Bill Bryson, c'est un Américain qui, entre autres, écrit une histoire de tout presque où il raconte l'histoire de l'univers du Big Bang à aujourd'hui. qui a écrit, entre autres, aussi « Promenons-nous dans les bois », où il a fait l'Appalach Trail à peu près au complet, avec sans aucune préparation. Et cette fois-ci, il nous raconte l'histoire de sa maison. OK. Il habite en Angleterre, dans une ancienne maison d'un presbytère, un ancien presbytère, en fait, qui a été construit en 1851. Et un jour, il s'est intéressé à sa maison, il s'est rendu compte que notre maison, finalement, est remplie d'histoires. Elle nous paraît totalement banale, puisqu'on vit dedans, c'est notre quotidien. Donc, par prétexte de nous faire visiter sa maison, il nous explique l'histoire de l'humanité, finalement. Donc, du début des premiers villages, entre autres, si je me souviens bien, en large de l'Écosse, dans le nord de l'Écosse, qui a été découvert suite à une inondation où on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas l'eau courante, mais de l'irrigation dans le village, ou un autre village en Turquie qui était... toutes les maisons étaient collées l'une sur l'autre, donc il n'y avait pas de rue. Les gens, pour rentrer chez eux, devaient passer dans les toits de leurs voisins et rentraient par le toit. Très peu de fenêtres, mais bon, c'est en Turquie, j'imagine que ça faisait... Ça garde la fraîcheur dans la maison. Ça garder la fraîcheur, mais en même temps, les champs étaient très, très loin, donc c'est un peu bizarre quand même de vivre si loin de son lieu de travail, à l'époque où il n'y a pas de voiture, évidemment. Mais on peut, mais ce village-là a quand même vécu, a existé pendant à peu près 1000 ans. Donc, on peut imaginer que c'était relativement confortable d'y vivre parce que la population était relativement confortable. Donc, il commence par son terrain, mais après, on rentre dans sa maison, il nous explique l'histoire du hall d'entrée, de la cuisine, comment est née la salle à manger. En fait, la salle à manger est née parce que on voulait plus salir les meubles du salon, qui était rendu très, très beau. Il va dans la cave, il va dans le panneau électrique. Ça, c'est fascinant, le panneau électrique, parce que c'est l'histoire de l'électricité. Non, mais c'est fou! Et donc, il nous raconte l'histoire. S'il y a des baleines aujourd'hui, c'est grâce à l'électricité, parce qu'avant, on s'allumait avec la graisse de baleine. Donc, si on n'avait pas l'électricité, probablement qu'il n'y aurait plus de baleines. Mais aussi, il nous explique, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les premières victimes en Angleterre de la Deuxième Guerre mondiale, ça a été les piétons et les automobilistes, parce que pour pas être repéré le soir, c'est le blackout total en Angleterre. Et donc, les voitures roulaient dans le milieu de la chaussée ou trop sur le bord. Donc, soit frappaient les piétons ou soit se faisaient des face-à-face. Donc, et il nous raconte, il passe pièce par pièce la salle de bain, les chambres d'enfants. Donc, les chambres d'enfants, ça nous permet d'en connaître plus sur l'exploitation des enfants d'une certaine époque. Comme il dit, la Société protectrice des animaux est née 60 ans avant la société, avant de penser à faire attention à nos enfants. Il passe donc toutes les pièces de sa maison. C'est complètement fascinant. Il a aussi beaucoup d'humour. Donc, c'est très, très drôle. C'est très... on apprend plein de choses. Comme c'est un Américain, il nous parle aussi beaucoup de la maison de Jefferson, le canal Erie, comment il est né. Donc, c'est aussi l'histoire des États-Unis. Ouais. Donc, 1851, c'est aussi l'année où a été fait le Crystal Palace, tu sais, cette espèce, pendant l'Exposition universelle de Londres, ce grand palace fait en cristal, qui a été fait par un jardinier. Donc, finalement, les premières personnes qui ont fait des maisons un peu confortables, c'était des jardiniers. Entre autres, je me souviens plus de son nom. Et c'est plein de petites anecdotes. Il y en a pendant, je me souviens plus combien il fait de pages, à peu près 600 pages. Mais toutes, quand même! Toutes aussi fascinantes les unes que les autres. On apprend plein de choses, on apprend, c'est fascinant. C'est comme te perdre dans Wikipédia un peu. C'est un peu ça, exactement. C'est le moment super. Mais drôle. Tu vas lire un article, puis là... Wikipédia, c'est plate, là, mais là, tu t'amuses, je riais à voix haute, j'étais dans mon congé, ah, savais-tu ça? Il est... C'est écrit... Comment tu passes vraiment, c'est par chapitre, c'est une par pièce chapitre. Après l'autre? Il y a une pièce qui s'appelle le hall d'entrée. Donc, il explique qu'au début, il n'y avait pas de hall d'entrée parce que la maison était le hall d'entrée. Donc, mais à un moment donné, quand on s'est mis à avoir besoin d'avoir un salon, avoir une salle à manger, la cuisine qui au début était dans le sous-sol, surtout chez les gens, parce que c'était pas eux qui faisaient à manger, mais le besoin de la remonter. Et le grenier. Le grenier, bon, il se rend jusqu'au grenier d'ailleurs. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a les plans de sa maison. Donc, les plans d'architecte, si je me souviens bien, l'architecte, il voulait mettre les toilettes de sa maison, genre, dans un escalier. Il dit, c'est ridicule, ça aurait bloqué l'accès, il n'y avait pas de fenêtre, totalement noir, à une époque, il n'y avait pas d'électricité encore. C'est très, très, très drôle, très instructif. On apprend plein de choses sur les acariens, on ne voudrait pas le savoir, mais on l'apprend quand même. Il y en a partout, exactement. On ne peut pas les éviter. Non, c'est ça, la cave aussi, le grenier, effectivement. Toutes les pièces de nos maisons, le bureau, tout y passe. Mais ça a l'air chouette. C'est super chouette. C'est vraiment comme... Bill Bryson, moi, c'était mon premier que je lisais de lui. Ça faisait longtemps que je voulais lire. Il a aussi écrit Shakespeare, l'antibiographie. Mon conjoint vient de le terminer. Il dit, comment ça, l'antibiographie? Il dit, c'est parce qu'en fait, on ne sait rien de Shakespeare. Non. Donc, il se sert de Shakespeare pour nous raconter l'époque. de Shakespeare. Exactement. Ouais. Promenons-nous dans les bois, ben c'est ça. Il habitait sur le bord de l'Appalach Trail aux États-Unis, puis il s'est dit, tiens, je vais aller faire la route, mais il s'est rendu compte que c'était super long, puis il est parti avec un de ses amis, un peu louche, probablement qu'il ne sait pas encore ce qu'il fuyait, mais là, ils sont partis pas préparés, mais ils ont quand même fini faire les 5 minutes. Mais petite question. Est-ce que c'est un littéraire ou c'est plutôt un anthropologue ou un sociologue? Ça serait un peu une espèce de Serge Bouchard, je dirais. Une référence. C'est plus un anthropologue, curieux de tout. C'est ça qui est fascinant avec lui. Je pense qu'il peut... Je lisais encore sur lui tout à l'heure. Il a fait un livre sur les motels des États-Unis. Donc, il peut parler à peu près de tout et de rien, surtout, finalement. Mais c'est ça qui est fascinant. Mais beaucoup de tout aussi. Est-ce que tu nous redonnes la référence? Oui, donc, c'est Une histoire du monde sans sortir de chez moi, de Bill Bryson, aux éditions Payot. Et je vous jure, vous ne verrez plus votre maison de la même manière après avoir terminé ce livre. Et pas non plus les acariens. Merci, Marie-Hélène Bourgeois. On écoute un peu de musique et on revient avec Daniel Grenier. On est de retour à l'émission Les bouquins d'abord. Salut Daniel. Salut. Numéro 6, Hervé Bouchard. Ouais, écoute, là, moi je sors d'une lecture, littéralement. Je l'ai terminé en marchant ici vers la station de Saint-Jean-Baptiste jusqu'ici. Bon, premièrement, là, juste avant que je commence, là, est-ce que tu me permets de faire mon mea culpa de la semaine dernière? Vas-y, mea culpa. Oui, voilà. Surtout que j'ai tellement, tu m'as tellement fait douter de moi. Ouais, j'ai fait douter bien des gens. La semaine dernière, tu as parlé des tranchées de Fanny Britt. Et je pense que je lis trop en anglais dans la vie en général parce que j'ai vraiment dit de façon, tu sais, très affirmée. Ouais, très affirmée. C'est intéressant qu'il y avait un jeu de mots parce que trancher, ça s'écrit avec un E, mais non. Donc voilà. Non, ça français, c'est toujours avec un A. Ce n'est pas les trenches. Oui. J'étais presque sûre de mon coup, mais là, personne fait que là, ben à non, la René, maison. Était, René a fait oui, bien sûr. C'est intéressant. C'est intéressant, exactement. Mais une fois à la maison, je l'ai vérifié. Là, j'étais comme, OK, non. C'est ça. Donc, c'était mon premier. C'était mon mea culpa. Puis ensuite, avant de commencer, de te parler un peu de numéro 6, je voulais juste mentionner le fait, évidemment, que, bon, c'est ma maison d'édition. Je publie au Cartanier, donc je trouve ça important de le mentionner. C'est pas comme si j'étais ici pour faire de la promotion. C'est pas comme si non plus j'aimais tout ce que le Cartanier faisait. C'est vraiment pas ça la question. Donc, si j'ai envie d'en parler, en fait, c'est vraiment parce que c'est un livre aimé ça. Parmi tant d'autres et que j'ai beaucoup aimé ça. D'ailleurs, c'est important de dire d'ailleurs qu'il n'est pas sorti encore. Il sort demain. Ouais, voilà. Donc, vous allez sortir des boîtes demain. Exactement. De toute manière, ce soir, les librairies sont fermées. On ne peut pas y aller. On ne fait pas de tort à personne. Donc il est sorti. Numéro 6 de Hervé Bouchard, c'est son troisième livre. Après Mayou. Et parents et amis sont invités à y assister. Mm-hmm. C'est une littérature très, très particulière. Toi, Barbel, moi, j'ai déjà eu son deuxième. Je trouvais le titre tellement accrocheur, mais finalement, je ne l'ai jamais lu. Mm-hmm. C'est ça, je ne l'ai jamais lu, mais je l'ai souvent feuilleté à la librairie et j'avais le goût. Je trouve que c'est une écriture et j'aime bien les cours. Passage, ouais. Là, c'est quelque chose qui m'attire. C'est très typique du Cartanier aussi, On est entre la prose puis la poésie. Exact. Mon numéro 6, en fait, juste rapidement, numéro 6, c'est le numéro du hockey. Donc, c'est résumé de façon... C'est intéressant parce que c'est résumé de façon très, très prosaïque derrière le livre sur la quatrième de couverture. Donc, c'est l'histoire d'un personnage portant le numéro 6 dans le hockey mineur. L'histoire très simple de son apprentissage alors qu'il évolue dans les catégories atome, moustique, peewee, bantam, midget de 6 à 16 ans à peu près. Donc pour toutes les mamans 6, de très jeunes enfants qui se lancent dans le hockey, ils ont toutes numéro 6 c'est ça, mais donc c'est de raconter en fait par la narration de ce jeune homme-là qui est évidemment pas du tout réaliste, on n'est pas du tout dans le roman réaliste, à travers la vision de ce jeune homme-là, qu'est-ce que c'est qu'avoir le hockey au cœur au centre être de sa vie dans cet âge-là. Moi, ce que j'ai adoré, en fait, c'est cette idée-là qu'il te transmet vraiment bien cette sensation que... J'ai jamais joué au hockey, moi, quand j'étais petit, mais j'arrive à imaginer que tout ton univers tourne autour de ça. Daniel, la narration se fait au... C'est au jeu, c'est au jeu, mais c'est comme je disais tout à l'heure, c'est pas un roman. Hein. Donc, on est plutôt dans ce que lui appelle... C'est dans le vécu du petit pou. On est dans ce qu'il appelle, lui, une... C'est pas un livre de formation, c'est un livre de déformation. Donc, le hockey déforme une personnalité, forme et déforme en même temps, mais on est surtout... chez Hervé Bouchard, évidemment, dans une déconstruction du langage, déconstruction des clichés, parce qu'évidemment, le langage du hockey, le langage du sport, c'est une série de lieux communs. Donc, on est dans la langue québécoise, la langue du hockey, la langue des gérants d'estrade et tout, mais on est dans une déconstruction qui mène de la prose, en fait, des détails très, très réalistes, comme par exemple les tapis de caoutchouc sur lesquels on marche dans l'aréna. On va décrire le petit gars va décrire la jute, le jute qu'on voit à travers là où le jute, je suis pas certain, je vais pas affirmer quoi que ce soit. Je pense qu'on voit à travers qu'ils sont tellement décousus, ils sont tellement usés qu'on voit à travers. Donc c'est des détails comme ça extrêmement réalistes, hein, dans l'extrêmement précis. Puis là, tout à coup, ça tombe. À mesure que les paragraphes avancent, comme tu dis, hein, c'est pas vraiment des paragraphes de romans, ce sont des espèces de strophes comme ça qui apparaissent. Et ça sonne. As-tu le goût de lire un petit extrait? Parce que juste pour vous montrer, parce que ici on voit bien la fin du premier passage, comme ils les appellent. Ce sont pas des chapitres, ce sont des passages. On voit bien où ça peut mener. Donc le passage dans le hockey mineur, il y en a 9. Donc il y a des passages dans le hockey mineur. Donc il commence comme ça. Le foyer des lois, c'est un long bâtiment plat. À l'air branlant, l'air sur le point de s'écrouler, l'air de dater de l'époque, des poussières déposées sur les capots de char comme la neige de l'hiver à l'année. Donc là, on est encore dans la phrase quand même assez réaliste. Le tableau indicateur dans le grand aréna avait les couleurs d'une pétrolière anglaise. Quand il sonnait la fin du monde, c'était pour une petite seconde comme si ça allait arriver. J'ai porté le numéro 6 dans le dos du dire comme un endroit dont je parlais. Oups, là on passe à autre chose. Et ça comptait qu'on dise « Wow, le grand aréna », j'ai pensé. Les luminaires si haut qu'il fallait Dieu pour s'y rendre. Monsieur entier des choses appuyé à la rampe voûtée comme les pierres ne voulait pas s'asseoir sur les bancs froids, tout aussi en bois que le sont les chants des ouvriers, comme lui qui ne joue pas. Montreur des choses du doigt pas long, désignant sur la glace bleu et gris les traces de moi et de qui. Va dans les galeries regarder dire, va dans les entrailles du centre parcourir les chambres où sont les bancs, les crochets, les tapis et dis ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas de ceux qui sont là. Va dans les chambres où sont les chansons du dire là de ceux qui n'y sont pas. Va dans les salles coulées du centre dire ce que ne disent pas ceux qu'on voit. Va dans le champ des galeries du dessous dire ce qu'on voit et qui pourtant n'est pas. Cela dans ton dire qu'on voit, redis-le. Donc, on est vraiment dans une espèce de déconstruction à la fois de la personnalité et du langage. Donc, c'est à la fois la description parfaite pour moi, encore une fois, du hockey mineur, étrangement, et c'est exclusivement une expérience langagière. Donc c'est très très intéressant d'après moi. C'est la rencontre parfaite du langage et d'une expérience, d'un vécu en fait très réaliste en fait. Ils viennent changer le bord de table. Ouais non, lance-toi Marbel, tu vas voir. Hervé Bouchard, numéro 6, Le Cardanier. Merci Daniel. Ça fait plaisir. De tous les bords. Flamenco, tap celtique, gumbo d'Afrique du Sud. Vous pouvez maintenant vous inscrire à la session d'automne de l'École de danse Migration. Classe de niveau initiation intermédiaire et avancée en flamenco, tap celtique et gumboot. Obtenez une réduction de $15 en utilisant le code de promotion CKRL au moment de votre inscription. Horaires et inscription à migrationavecuns.danse.com. Pour sa nouvelle saison, le Palais Montcalm vous invite à participer au concours Mes goûts, mes choix. Vous préférez le style musique du monde, pop ou folk? Plus de 25 concerts tout au long de cette nouvelle saison, dont Richard Desjardins et Alexandre Dacosta, Glamour Tango, Sarah Sleen, Florence K, Agnès Obel, Pat Metheny. Vous gagnerez ce que vous aimez, soit une paire de billets pour 3 spectacles de votre choix. Pour participer, allez sur la page Facebook du Palais Montcalm dans l'onglet Concours. Le Palais Montcalm, la musique à son meilleur. En septembre, ne manquez pas les événements ponctuels du cinéma Le Clap. Le 7 septembre, l'événement Kino Québec. Le 10, les rencontres internationales du documentaire de Montréal débarquent à Québec et présentent le documentaire Le Baiser de Tosca. Le 17, les aventuriers voyageurs en Birmanie. Le 18, l'Opéra national de Paris, La Traviata. Le 21, l'événement Antitube. Cet automne, procurez-vous la carte Abonne Clap 10 ou 15 films et économisez jusqu'à 40% sur le prix régulier. Pour obtenir les détails et l'horaire des films, rendez-vous au clap.ca. Cette émission vous est présentée par Maison Thaïlandaise. Maison Thaïlandaise vous offre de délicieux repas cuisinés selon la tradition thaïlandaise. Maison Thaïlandaise, une cuisine savoureuse et variée, dont l'art culinaire se caractérise par son raffinement dans le choix des épices et condiments. Emballé sous vide pour un maximum de fraîcheur au prix plus qu'abordable pour déguster à la maison. Maison Thaïlandaise, trois adresses pour vous accueillir au 3 boulevard René-Lévesque Est à Québec, coin de Salaberry, au 4307 rue Saint-Félix dans le Vieux-Cap-Rouge et au 3742 avenue des Églises à Charny. Informations et commandes en ligne sur maisonthaïlandaise.com. Nous sommes de retour à l'émission Les bouquins d'abord. Je suis avec Maryse Lapierre. Salut Maryse! Salut Perbelle! Ta lecture d'été? Oui, c'est ma lecture d'été! Oui! Métis Beach de Claudine Bourbonnais des Éditions Boréal. Et en fait, c'est le livre que j'ai choisi pour lire à mon chalet hors du temps. Est-ce que tu l'as acheté au Renaud Bré? Non. Non. Et c'est ça, c'est... C'est avec le coup de cœur dessus? c'est le livre parfait... Le livre dans lequel on embarque puis qu'on débarque plus, on peut lire pendant des heures. C'est un roman de 500 pages quand même. Mm-hmm. Et plein de rebondissements sans arrêt. On m'avait conseillé ce livre-là, l'ai acheté un peu à reculons au départ, j'étais vraiment pas sûre, puis finalement... La couverture est pas super invitante. Le titre aussi, ben juste ça, je trouve que ça allait. Moi, c'était la couverture qui faisait trop lecture d'été, justement. Tu sais, j'avais l'impression que ça s'adressait aux madames qui cherchent une brique. Oui. Je sais pas. Bon, mais j'espère que je vais réussir à te déloger de cette idée. Mais en fait, on est assez loin du langage de numéro 6 dont on vient d'entendre. Mm-hmm. On vient d'entendre un extrait. C'est pas une expérience littéraire nécessairement au niveau de l'écriture. C'est assez simple. Mais très, très bien construit, fluide, puis comme j'ai lu un peu sur elle, puis elle a pris 6 ans pour écrire ce roman-là. C'est une journaliste, Claudine Bourbonnais, à Radio-Canada depuis plusieurs années, puis je pense que c'est pas si évident de passer du journalisme à l'écriture. Elle racontait qu'elle avait déjà essayé d'écrire au moins 2-3 romans qu'elle avait laissés sur la glace en se disant « j'ai pas la bonne histoire, j'ai pas le bon récit ». Et finalement, c'est en allant un petit peu plus vers le côté cinématographique. Elle a imaginé ça de façon plus cinématographique au départ. Elle a réussi finalement à écrire. C'est quoi l'histoire? C'est son premier roman, en fait. Et c'est l'histoire, ça se passe... Ça commence, on est en 1995. C'est Romain Carr qui est un scénariste. Qui a un succès de fou avec une série qui aborde la religion par rapport aux habitudes de vie des Américains. C'est assez ironique et satirique même, puis ça sème la controverse. Donc là, il est dans ce bouillonnement-là quand il reçoit le téléphone d'une amie qui... c'est en fait une amie qui lui demande de venir à son chevet, qui est mourante. Alors, il doit revenir au Québec. Lui, il est originaire de Métis en Gaspésie, un petit village. Il vient d'une famille d'ouvriers très pauvres, canadiennes-françaises. Et il a grandi dans ce village-là où, à chaque été, il y avait une grande quantité d'Américains, qui arrivaient, qui s'installaient là pour l'été. Donc, il y avait un conflit dans la petite communauté. Alors lui, il retourne dans ce village, dans son village natal, pour aller voir cet ami-là. Et du même coup, il retourne dans ses souvenirs. On revient dans les années 60. Mm-hmm. Et là, on va suivre ce personnage-là, donc qui au départ, il y a 15 ans, ses années à Métis. Et finalement, il va y arriver, je ne veux pas dire de punch, mais il arrive un drame et il doit fuir. Alors, il part seul à 17 ans à New York. Et il erre dans New York, mais c'est vraiment... moi, j'ai embarqué totalement, là, je dois dire, parce que c'est cette journaliste-là, elle a réussi à allier toutes ses connaissances journalistiques avec la littérature, puis sans que ça fasse non plus, je vous donne un cours d'histoire, c'est vraiment bien intégré. Pour moi, c'est comme, j'ai eu l'impression de faire un peu un voyage dans le temps. Mm-hmm. Et en plus, c'est ça, dans les années 60-70, c'est des années que je trouve, moi, passionnantes, mais que j'ai pas vécues. Et elle non plus, d'ailleurs. Ça, je trouve ça intéressant parce qu'elle est plus jeune que le personnage de Baby Boomer qu'elle nous présente. C'est intéressant de voir que pour un premier roman, elle n'est pas allée dans l'auto-fiction non oui, plus. Ça, c'est effectivement. Elle s'est dégagée de ça. Alors, on suit ce personnage-là qui va se faire comme un peu adopter par une écrivaine féministe renommée. En tout cas, il arrive tellement, tellement de péripéties, ça n'a pas de bon sens, mais on y croit, on embarque jusqu'à la toute fin où, là, pour moi, là, j'avoue que j'ai un peu décroché, mais si vous lisez, vous ferez votre idée, mais j'ai eu l'impression que l'auteur s'est retrouvé un peu devant la... Il y a quelque chose de difficile hein, avec les fins, trouver la bonne fin. Là, j'ai eu l'impression qu'elle a eu peur de pas être intéressante. OK. Tandis que tout le livre était, pour moi, là, parfait, se tenait, c'était palpitant. Mais la finale, pour moi, m'a semblé un peu trop appuyée, oui. J'ai fait, bah non, j'étais un peu déçue. Après 500 pages, quand même un peu plate d'être déçue. Mais j'en ai parlé à d'autres qui l'ont lu puis ils ont pas eu ce sentiment-là, alors... Je pense que ça vaut la peine de l'essayer. Tu nous redonnes la référence? Oui, alors Métis Beach, les éditions Boréales. De? Claudine Bourbonnais. Oui. Bourbonnais. Claudine Bourbonnais. Ben, merci beaucoup. On va écouter un peu de musique et on revient avec Ian Rankin. Nous sommes de retour à l'émission Les bouquins d'abord. Et Jacques, tu fais une expérience de lecture. Je t'envie un petit peu, je t'avoue, là. Ça a des drôles d'effets, les expériences de lecture, en fait. Parce que tu lis les romans de la série John Rebus de Ian Rankin, du premier jusqu'au dernier. Et c'est ça. Et en suivi, là, pas en attendant un an et demi avant que le prochain arrive, comme nous, on l'a fait. C'est ça. C'est fascinant de voir comment le personnage évolue. Mais c'est drôle parce qu'on m'avait dit, Rankin, avec Rebus, il est alcoolique, c'est un flic alcoolique, et tout ça, un inspecteur, il est tout le temps au bar. C'est drôle, j'ai pas vu ça dans les romans. Ce qui arrive souvent là, dans les romans policiers. Je disais que c'est étrange des fois comme expérience, parce que je me suis aperçu à un moment donné, je suis rendu au sixième, d'ailleurs, je me souviens plus combien, est-ce qu'il y en a, une quinzaine au moins. Oui. Je me suis aperçu que j'avais lu. C'est un roman que j'avais déjà lu avant. Je sais qu'est-ce qui va se passer, là, j'étais tout content, mais c'est parce que je l'avais lu. Bon. C'est pas parce qu'il était trop prévisible. C'est drôle l'image qu'on peut se faire des fois des auteurs, des personnages aussi comme l'inspecteur Rebus. On le voit un petit peu entrepotent, inspecteur chauve, alcoolique, comme on le suppose. Mais ensuite, je suis allé voir l'auteur comme tel, Ian Rankin. Mon Dieu, c'est pas du tout le type. C'est un musicien punk qui a mal viré, qui est parti. En fait, il a joué six mois dans en littérature. Un groupe punk qui s'appelait The Dancing Pigs, les cochons dans le sang. Les références musicales dans ces romans sont très présentes. Le rock, surtout le hard rock. Vraiment, j'ai fait l'expérience des fois de l'écouter. Si j'avais les disques, de l'écouter en lisant. Temps, c'est assez spécial parce qu'il écoute la musique. Ça va pas avec l'image qu'on se fait des Rebus, justement. Ouais, comme c'est Valentin qui écoute beaucoup de musique classique. Ouais. Ça, là, ça va. Oui, c'est ouais, ça. Avec Valentin, ça allait. Mais j'aime mieux les références de Rebus, je pense. En fait, c'est un auteur écossais. On sait tout ce qui se passe là, présentement en Écosse. Ce que j'ai trouvé intéressant dans ce roman-là, ça a donné par hasard que j'étais rendu là. Et on parle beaucoup des mouvements politiques en Écosse, les conflits aussi catholiques, protestants. Il y a même deux équipes de foot, de soccer. Glasgow et Edinburgh. Ouais, puis il y en a une qui est protestante, l'autre est catholique. Les gens s'identifient très profondément à ces équipes-là, ce qui amène des conflits des fois assez terribles. Puis le roman comme tel, ça se passe, la donne, c'est un meurtre, bien sûr, un roman policier, un meurtre, où on retrouve le personnage avec ce qu'il appelle le coup du six-pack, le coup du pack de six. Traduction libre. Puis, en fait, c'est une méthode de l'IRA que l'IRA empruntait. Mais on le trouve, le cadavre là, à Édimbourg, en Écosse. Une balle, deux balles dans les coudes, les genoux et les chevilles. Ça, c'est une manière de torture. Puis, on abandonnait les gens comme ça jusqu'à ce que mort s'en suive, des fois. Mais dans le cas du cadavre où on le trouve, là, il y a une balle en tête en plus. Donc, on soupçonne un peu l'IRA là-dedans. Mais, en fait, au fur et à mesure de l'enquête, on se rend compte que il y a les protestants aussi, les loyalistes qui sont très militants. Il y a des groupes paramilitaires justement pour les loyalistes et là, ce serait plus eux autres qui auraient monté le coup comme ça pour faire passer ça sur le dos de l'IRA. Mais ce que j'ai trouvé fascinant, c'est toute l'entente qu'il peut y avoir entre ces groupes-là. Il y a l'IRA, l'équilibre, c'est ça. Faut que je vous lise un passage, ça sera pas long. C'est, faut dire que le personnage principal dans les livres de Ian Rankin, c'est la ville d'Édimbourg. Oui, totalement. Oui, complètement. C'est fascinant. Et moi, je suis déjà allée à Édimbourg il y a longtemps. Est-ce que le sous-sol d'Édimbourg, ça m'intriguait? Il disait qu'il y a comme une ville souterraine. Ah, ben ça, je ne l'ai pas visité, mais il reste que Édimbourg. Avec des rues. Mais j'ai lu Ian Rankin 10-15 ans après être allée à Édimbourg et je retrouvais carrément la ville que j'avais visitée puis que j'avais adorée. Et on le sent, ça. Hein? Oui, on se promène vraiment dans l'Indien. Je voulais un petit passage pour montrer. Ça m'a vraiment étonné. Je ne pensais pas que c'était possible que l'IRA s'entende avec les groupes loyalistes protestants. Toutes les organisations paramilitaires, font des affaires pour se procurer de l'argent. Sans argent, elles n'existent plus. Alors, elles deviennent purement et simplement des gangs, parce que c'est le moyen le plus facile de se faire le fric dont elles ont besoin. C'est comme une vis sans fin. À présent, l'IRA et l'UDA, ces paramilitaires loyalistes protestants, se rencontrent et ils discutent. Ils s'assoient ensemble autour de la même table, exactement comme le souhaitent les hommes politiques, mais au lieu de parler de paix, ils débattent de la manière de se répartir le pays. Vous pouvez racketter les compagnies de taxi, mais on se réserve les entreprises de bâtiments. On a même vu des cas où les marchandises volées par un camp passaient dans l'autre pour être revendues dans leur zone d'influence. De temps en temps, la tension monte et puis ils finissent par reprendre le business comme avant. C'est comme dans les films sur la mafia, la façon dont ces salauds se font du fric. Ils ne pourraient pas faire la paix, ce serait mauvais pour leurs affaires. C'est assez étrange, quand on regarde ça de l'extérieur, on croit vraiment que ces gens-là sont à couteau tiré, puis ça y est, il n'y a aucun rapport. Mais au moins, dans Rankin, il y a souvent ça, des approches... Oui, et ça va jusqu'au bout comme ça, ça ne vend pas le punch, là, c'est vraiment l'équilibre entre le bien et le mal dans ces romans. Je trouve que Rebus est très sensible à ça, et tu le sens, là, il respecte d'une certaine manière, certaines ententes. En tout cas, moi, il m'était très cher comme personnage parce que je lui trouvais une intelligence que beaucoup d'enquêteurs n'ont pas nécessairement. Et Rankin ne s'est pas prononcé sur l'indépendance de l'Écosse, mais je soupçonne fortement d'être en faveur de l'indépendance de l'Écosse. C'est intéressant, effectivement, de lire Rankin présentement parce que c'est très politique très politisé, donc ça nous aide à comprendre la situation de l'Écosse. Exact. Puis, c'est quoi la proportion, je crois? C'est environ 30% de protestants, 15% de catholiques, beaucoup de catholiques qui sont venus de l'Irlande à la fin du 19e siècle, qui sont établis en Écosse, donc ça a suscité des frictions effectivement. Ouais. Ça fait que ça reste toujours à lire, Ian Rankin. On donnera pas de titre, moi je vous dirais vraiment, c'était quoi le premier? L'étrangleur d'Édimbourg? Oui, je crois que c'est ça. C'est ça, hein? C'était le premier, c'est sorti chez... Le livre de Paul? Chez Folio, je crois. Oui, maintenant. Celui dont je viens de vous parler, Cause mortelle, c'est 94, c'est chez Folio aussi. Oui. Parce que moi, je l'ai dans toutes sortes d'éditions, fait que je suis pas fiable là-dessus. Merci, Jacques. Merci, Marie-Hélène. On va écouter un peu de musique et on revient avec la BD. Nous sommes de retour à l'émission Les bouquins d'abord et c'est notre petite section BD. Mais toi aussi t'es dans toi aussi t'es dans des affaires assez affreuses, assez mon ami Damar. Donc Damar, probablement que vous vous en souvenez pas, c'est un tueur en série américain dans les années fin des années 80, début des années 90, il est mort en 94, il s'est fait tuer en prison, il a tué 17 jeunes hommes. Il en a tué 16 de 87, 88 à 91. Et il en a tué un, il avait 17 ans. Donc 16 ans avant. Il y a eu 16 ans entre son premier meurtre et ses autres. Et l'auteur, Def Bagderf, qui est un pseudonyme évidemment, est allé à l'école avec Damar. Donc c'est son copain d'école. Son copain étant bien grand mot. Donc Damar, mais il était dans la même classe. Et il nous explique le Damar qu'il a, avec aussi quand même, parce que Damar a avoué ses crimes. Il a fait quand même beaucoup d'entrevues, donc on sait beaucoup de choses sur lui aussi. Donc, il s'est quand même beaucoup fié sur les entrevues. Le trouble narcissique, il était assez près de se livrer. Oui. Et donc, Damar, il nous explique le Damar adolescent. Donc, le Damar très solitaire, qui parlait pas beaucoup, qui avait pas d'amis, mais qui un jour se met à se promener tout croche et à crier des « bah » un peu partout. Ce qui fait que Derf le remarque, parce qu'il fait vraiment un peu le show, et il fonde le fan club de Damar. OK. Et lui, il était déjà BDiste, faisait le journal de l'école, donc il dessinait Damar un peu partout. Dans le journal des finissants, il mettait dans des groupes où il n'y avait pas rapport. D'ailleurs, dans la BD, il y a une photo de l'époque où Damar est rayé parce que la directrice a dit « Mais non, Damar n'était pas dans ce groupe-là, donc il est tout rayé comme ça. » Mais le vrai intérêt de ce livre-là, c'est que, donc, oui, il nous raconte Damar adolescent, donc avant ses premiers meurtres, mais très peu avant, puisque il a fait son premier meurtre 2 ou 3 mois après avoir fini l'école. Donc, 2 ou 3 mois après que la dernière fois que Derf l'a vu. Et il nous explique, bon, il était asocial, il se promenait en étant tout croche, les 2 dernières années de son secondaire, il était tout le temps sous. Mais tout le temps sous. Il dit, je comprends pas qu'il ait jamais été sorti de l'école. Ses parents ont divorcé pendant qu'il était au secondaire, mais avant, ils s'engueulaient, mais tout le temps. Les derniers mois, sa mère, au mois de juin, avant que l'école finisse, elle a quitté la maison familiale que le père avait déjà quittée. Elle est partie avec son plus jeune fils. Elle a laissé Damar tout seul. C'est pas pour rien d'ailleurs que Damar a pu faire son meurtre. Oui. Donc, il nous explique, il dit, mais où étaient les adultes? Il dit, moi, en tant qu'ado, on est dans les années 70, c'est la drogue, c'est l'alcool, tout ça est normal. Et même lui, même à cette époque-là, il avait l'air bizarre. Mais son premier meurtre, c'était quelqu'un de la classe? C'était quelqu'un qui l'a ramassé, c'était un tout-stoppeur qui revenait d'un festival de musique, l'a invité chez lui pour prendre une bière. Damar, faut savoir, c'était un homosexuel. Son premier fantasme, à un moment donné, il raconte qu'il y avait un jogger qui passait tous les jours devant chez lui, puis il s'est dit, je vais l'assommer, je vais le tuer, puis comme ça, je vais pouvoir le violer, parce qu'il va être soumis complètement. Il pouvait pas s'imaginer avoir une relation sexuelle sans que la personne lui soit soumise. Et le seul moyen qu'il imaginait que la personne puisse être soumise, c'était de le tuer. Et c'est un peu ça qu'il va faire après. D'ailleurs, il va démembrer ses victimes, il va les... Et donc, Damar, donc cet auteur-là nous raconte ce premier meurtre-là qui n'aura pas lieu finalement, parce que la journée où Damar attend le jogger avec son bat de baseball pour l'assommer. C'est la journée où le jogger passe pas devant chez lui, heureusement. Mais entre-temps, c'est aussi, blessé au genou la veille. C'est ça. Mais en même temps, il nous explique aussi, il ramassait des animaux morts sur le bord de la route, qu'il mettait dans le formol, qu'il laissait du soude. On sait jamais, mais il disait, mon père est chimiste, donc j'ai accès à des... Non, il était... Bizarre. Déjà étrange, puis il se dit, est-ce qu'on aurait pu éviter... C'est un peu la question qui sous-tend le texte. Est-ce qu'on aurait pu éviter ça? Mais évidemment, on n'aura jamais la réponse. Mais Marianne, en quoi... le fait que lui l'ait connu, l'auteur, comme tu dis, en quoi ça le met dans une position particulière? C'est-à-dire qu'on aurait pu faire des recherches comme ça puis arriver avec est-ce que lui, il se met en scène, premièrement? Oui, il se met en scène tout le long du livre, puis il nous raconte des souvenirs communs. Il dit, en fait, ce qui est très drôle, c'est justement, il a fait le fan club de Damar avec ses amis, qui a gardé contact. Et à un moment donné, ils vont dans un centre d'achat, tout le monde ensemble, pour montrer Damar qui fait son fou avec ses bois. Mais il dit, après ça, on a amené Damar chez lui, puis nous, on est partis prendre une bière tout le monde ensemble. Il dit, enfin, en même temps. Donc, il nous raconte, finalement, un adolescent relativement normal, mais un peu anormal quand même. Puis il se questionne beaucoup. Il dit, moi, je l'ai vu. Ouais. Je me questionnais. Je savais pas quoi faire. J'étais un ado. Mais ce qu'il se demande beaucoup, c'est où étaient les adultes? Est-ce qu'il est dans la rétrospective de lui-même, maintenant, en tant qu'adulte, mettons, qu'il se dit, est-ce que j'aurais dû avoir peur à cette époque-là, par exemple? Non, il n'est pas dans cette peur-là, mais il a commencé la BD. Il y a une première version qui était sortie peu de temps après l'arrestation de Damar. La version complète a été faite il y a quelques années. Ça fait 2 ans, à peu près, un an ou deux. Donc, ça lui a pris 20 ans de l'écrire. Mm-hmm. Donc, il y a beaucoup de recherches. Il y a des signes qui laissaient paraître quand même que les animaux qui pouvaient être noirs. Il a voulu ses amis savaient ça. Ses parents auraient pu. Les professeurs étaient où? C'est un peu ça, les questions. Est-ce qu'il aurait pu voir un psychologue? On ne sait pas. Les fantasmes qu'il y avait, s'il avait pu les verbaliser, parce qu'il était vraiment assez étrange, les fantasmes qu'il avait. Donc, c'est assez troublant. D'ailleurs, à un moment donné, vers la fin, la gang de copains se rejoint, puis ils se disent, je me demande bien ce qui est devenu Damar. Ça, c'est avant qu'ils savent qu'il est un tueur en série, et ils répondent, il y en a un qui dit, il doit être tueur en série. Mm-hmm. Pour te dire, l'idée à quel point c'était assez devenant adulte, ils se sont rendus compte à quel point c'était ça. C'était vraiment étrange. Oui. Mais tu as lu aussi un livre qui a l'air triste, mais moins troublant que celui-là. Oui, moins triste, mais bon, journal de Julie Delporte aux éditions Lagrume. Julie Delporte, c'est une Québécoise. Elle a fait une BD qui s'appelle un album jeunesse qui s'appelle Je suis un raton laveur, qui est un album sur la dépression chez les enfants. J'adore son dessin. Il fait un peu enfantin, mais en même temps un peu pas fini. Moi, j'adore ça. Plein de couleurs, plein de. Et dans celui-là, donc, journal, ça commence. Elle ne se sépare pas de son copain, mais ils décident d'arrêter de vivre ensemble parce qu'ils ne sont pas capables de vivre ensemble. Mais au début, ils décident de rester un couple. Et ils finissent par se séparer. C'est un peu sa descente émotionnelle. Elle fait. C'est jamais dit qu'elle fait une dépression, mais on la sent descendre. Donc, et il y a un peu sa remontée, mais c'est plus sa descente. Donc, par un journal, donc dessiné plutôt que. Qui écrit un petit peu d'écrit, mais encore là, avec beaucoup de ce qui est très drôle, c'est donc elle raconte une dépression, mais avec beaucoup de couleurs, avec beaucoup d'images, avec beaucoup. Donc c'est très, très. Contrairement à Fine tranche d'angoisse, de 80 pages. Fine tranche d'angoisse ou le Stéphane qui raconte Laporte, la dépression. Mon ami Bao. Oui. Donc c'est plus coloré que ça, mais ça raconte. Et c'est un petit peu, comme c'est un journal, c'est une dépression. Finalement, c'est une dépression au jour le jour qu'il nous raconte. Donc, c'est une peine d'amour, surtout et les constats qu'elle fait, parce qu'elle va partir vivre dans une autre ville. Elle se rend compte que quand on se sépare, on peut pas garder notre vie comme avant, finalement. Mmh. Et d'ailleurs, c'est intéressant, parce qu'au début, lorsqu'elle parle de son ancien copain, elle le nomme, puis à un moment donné, elle s'adresse directement à lui, puis à un moment donné, plus ça va, plus on voit la distance qui se prend. Elle finit par l'appeler dessus, elle finit par d'être au île avec lui, puis il disparaît tranquillement. Donc, c'est très, très beau. C'est une très belle BD, c'est très, mais c'est pas la plus joyeuse. Elle met pas de bonne humeur, ça, c'est sûr, mais c'est bien raconté, je trouve. C'est juste, c'est vrai. Merci, Marie-Hélène Bourgeois. Thank you. on est de retour à l'émission Les bouquins d'abord et c'est déjà presque la fin. J'ai quand même quelques petites annonces. Cette semaine, il y a un lancement. C'est à la librairie du quartier. Le 17 septembre, c'est ce mercredi à 17h, c'est Sophie Jeanne Arien qui sort son livre « L'inquiétude de la pensée ». C'est philosophique. Je sais même pas si c'est un roman ou un essai. J'ai l'impression que c'est plus un roman. En tout cas, c'est un très beau titre. Et vu que la semaine prochaine, c'est un spécial, on est tous en congé, sauf l'équipe philosophique, qui sont en train de nous pondre un très beau spécial Camus. C'était l'année dernière qu'on le soulignait plus, mais ça reste toujours d'actualité. Ça fait que j'annonce aussi les conférences autour du traité de Paris qui a failli de brûler aujourd'hui au musée Pour le moment, je ne sais pas si... Tu penses que ça aura peut-être pas lieu? Peut-être pas, mais ils ne savaient pas encore il y a quelques heures. Donc, je suis partie pour m'en parce que je sais que ça brûlait du côté du salon des invités. Mais des le traité n'est pas encore arrivé à Québec. Donc, OK. Je vais quand même l'annoncer, c'est mardi, la semaine prochaine, le 23 septembre, de 19h à 21h, c'est à la Maison de la Découverte sur les plaines d'Abraham. C'est les conférences autour du traité de Paris de 1763 par Michel Devel, Sophie Imbeau, Hélène Quimper, Denis Vaugeois et Laurent Vessier. Ce vendredi, c'est le Parking Day. Ce n'est pas un événement nécessairement littéraire, mais c'est un événement où des événements culturels ou sociaux peuvent prendre un stationnement pour s'exprimer. Ça a lieu sur Cartier, sur Saint-Jean, sur Saint-Joseph, ici sur la 3e avenue. Moi, je suis en grande réflexion qu'on participe l'année prochaine, je vous le dis. Vous l'apprenez là, en onde. Pas ouf de même. Mais je suis sûre qu'il y a toutes sortes de choses intéressantes à découvrir. Et pour ceux qui vont à Montréal, Maudit-Chanceux, depuis le 12 septembre jusqu'au 21, c'est le Festival international de littérature. Ils ont une belle programmation. C'est un beau festival. C'est un très beau spécial. Oui, c'est vraiment très, très beau. Et, il reste pas beaucoup de temps, fait que je vous remercie. Jacques Vaillancourt, Marie-Hélène Vaugeois, Marie de Lapierre, Daniel Grenier. C'était des très belles lectures. C'est dommage que pas tout le monde a apporté des livres. Je serais partie avec un gros sac. Mais bon, là, je suis juste partie avec un livre. On se retrouve pas la semaine prochaine. Vous allez écouter René Bolduc et les autres philosophes et on se retrouve le 29. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. Cette émission était une présentation de Maison thaïlandaise. Maison thaïlandaise vous offre de délicieux repas cuisinés selon la tradition thaïlandaise. Emballés sous vide pour un maximum de fraîcheur au prix plus qu'abordable pour déguster à la maison. Maison thaïlandaise, trois adresses pour vous accueillir au 3 boulevard René-Lévesque Est à Québec, coin de Salaberry, au 4307 rue Saint-Félix dans le Vieux-Cap-Rouge et au 3742 avenue des Églises à Charny. Informations et commandes en ligne sur maisonthaïlandaise.com. C'est des gens qui disaient qu'ils avaient fait qu'ils avaient exploré c'était quoi les émissions de rock'n'roll, puis ils se préparaient à l'arrivée de ça, puis ils voulaient rien savoir de ça dans le cours. Nicolas Dumont et François Simard animent Les Batteurs dans un instant. Et là là, les mentalités ont changé. Le 28 septembre prochain, pourquoi ne pas courir pour une bonne cause? La course de la Cité Limoilou vous invite à découvrir le parcours le plus urbain de Québec. Peu importe votre niveau, allez-y à votre rythme et choisissez votre parcours de 5 ou 10 km. Réservez votre dimanche 28 septembre de 9h à 11h. Inscrivez-vous sur coursedelacitelimoilou.ca. Les bénéfices recueillis iront à des organismes communautaires. La course de la Cité Limoilou vous est présentée par la Société de développement commercial 3e Avenue, Actev, la Pharmacie Brunet et la Caisse des Jardins Limoilou. Courez pour aider. 89.1.